Activité 43. 1. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Je suis contente de vous rencontrer. Asseyez-vous. 2. Samuel, qu'est-ce que tu penses de cette note? Pour toi, est-ce que c'est une bonne note? 3. Monsieur et Madame Leroy, bonjour, je suis Monsieur Dumont, le professeur de français de votre fils. Comment allez-vous? 4. Aurélie et Adrien, est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît? Aurélie, toi, tu lis la page 4, et toi, Adrien, tu lis la page 5.